Wenceslas last looked out on the feast of Stephen, when the song came round about even crisp and even. Brightly shone the moon that night, for the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. Le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent souffle dans les branches, et tout souffle le clapoté, cher petit enfant. Et vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige sur tes pleins. Megan Griffin, Saint-Jean-Marc Allon. Au lieu d'Angelo Munoz, dirige la musique du 408e Tiraton Tactique d'Hélicoptère.